qui a un micro, c'est parfait. Donc Olivier Vitu, vous allez nous expliquer comment être en règle lorsqu'on veut diffuser des œuvres sur Internet et nous présenter donc Sésame. Sésame, voilà. Donc Sésame, c'est un guichet en quelque sorte, une espèce de guichet unique. Alors c'est une société qui fait partie du groupe des sociétés d'auteurs, un petit peu pour comme la SDRM pour ceux d'entre vous qui sont déjà frottés à la production de disques. Donc c'est une société qui a été créée il y a une dizaine d'années et qui donc fait office de guichet unique pour autoriser l'exploitation sur Internet, l'exploitation des œuvres de l'esprit qui sont déposées auprès de différentes sociétés. C'est-à-dire que les œuvres musicales, donc le répertoire géré par la SACEM, mais aussi les œuvres dramatiques, théâtre, chorégraphie, opéra, etc., les œuvres qui sont déposées auprès de la DAGP, la DAG, peinture, sculpture, photographie, multimédia, etc., les œuvres de la SCAM, toutes ces œuvres-là peuvent être utilisées pour être diffusées sur Internet, mais simplement, il faut passer par une procédure d'autorisation. C'est intéressant, encore une fois, les films qu'on a vus, parce qu'on voyait une dame qui nous disait qu'elle aurait bien voulu avoir un site Internet sur lequel elle mettait un peu de musique, mais par crainte de se faire tomber dessus ou qu'il y ait des problèmes, enfin bon, elle ne faisait pas, elle était complètement dans l'ignorance. Elle se disait certainement il y a quelque chose à faire, mais elle ne savait pas quoi faire. Donc en fait, c'est la mission, ce sont les missions de Sésame. Cherchez pas ce que veut dire Sésame, ça veut rien dire, enfin c'est un joli nom, enfin un nom en tout cas. Donc Sésame va délivrer l'autorisation au nom de toutes les sociétés d'auteurs que j'ai citées pour utiliser les œuvres sur Internet. Elle va évidemment délivrer un contrat, donc un tarif de droit d'auteur, un montant à payer pour utiliser ces œuvres. Sésame va aussi répertorier les œuvres qui sont diffusées, de manière à pouvoir répartir les droits. Alors on rentrera peut-être un peu dans le concret après, parce que ça peut sembler assez martien comme ça, mais établir des contrats pour percevoir des sous auprès des gens, on a la réputation de savoir-faire, mais il faut aussi savoir comment répartir cet argent, et le répartir du mieux possible. Sinon, forcément, le système n'a aucun sens. Donc concrètement, quand on souhaite, pourquoi on s'adresse à Sésame, c'est pour toute utilisation sur Internet d'œuvres multimédia au sens large. Alors, ça a été déjà évoqué, je vais revenir très vite sur les différentes façons de diffuser les œuvres sur Internet. Bon, vous connaissez la différence évidemment entre le streaming, la diffusion en continu et le téléchargement. Donc ça, maintenant, c'est bien rentré dans les... c'est bien connu. Les services de téléchargement, on en connaît des Lego, hein, notamment pour acheter de la musique. Des services de streaming aussi. Le streaming, donc, qui consiste à la lecture en continu, c'est soit du simulcasting, donc c'est la diffusion sur un écran internet d'une émission qu'on voit en même temps à la télé, par exemple, ou sinon le webcasting, c'est-à-dire des diffusions spécifiques internet, donc par exemple les web radios. Donc ça, c'est le streaming. En face de ça, il y a le téléchargement. Téléchargement, soit par exemple la vidéo on demand, hein, le téléchargement de films, ou alors le podcasting. Ceux d'entre vous qui sont fans des grosses têtes, mais qui, par exemple, travaillent entre 5h et 7h, ils peuvent écouter les grosses têtes sur leur baladeur, simplement en allant sur le site de RTL, en podcastant, enfin, les grosses têtes ou autre chose, en podcastant cette émission et en l'écoutant à leur guise sur leur baladeur. Tout ça, évidemment, est légal. Alors, les grands principes contractuels, c'est que j'ai dit qu'il fallait une autorisation et qu'il allait y avoir de l'argent qui allait être perçu et réparti. On fait la différence entre un site internet où on va diffuser un petit peu de musique, donc le site qui va être illustré avec quelques morceaux de musique, site qui sera fait par exemple par un particulier ou une prof libre ou une association. Donc ça c'est de l'illustration de site avec de la musique ou des vidéos. On va établir un contrat avec un forfait qui normalement sera réduit, modique, le moins élevé possible. Si on est dans les cas de streaming ou de téléchargement, là, on revient sur une notion de proportionnalité des droits d'auteur, à savoir que sur les recettes publicitaires qui sont générées sur le site de streaming ou sur le site de streaming, on percevra des droits par un pourcentage dessus. Quand on est dans le cadre du téléchargement pur, à ce moment-là, ça sera un pourcentage intégral sur les recettes liées au téléchargement d'œuvres. Donc en fait, selon les trois natures de l'utilisation d'œuvres protégées, juste illustration, on paye un petit quelque chose. Diffusion en continu, on paye, enfin, celui qui édite le site, paye quelque chose en rapport avec ses recettes publicitaires, voire Deezer par exemple. Cas de téléchargement de vente, bah celui qui vend beaucoup de films en VOD, il paye des droits d'auteur en proportion, en conséquence. Ces droits qui sont acquittés, je reviens à la présentation qui vous a été faite, ils incluent le droit de représentation au public ainsi que le droit de reproduction. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que tous les tarifs, les pourcentages, etc. sont sur le site de la SACEM et donc sur Sésame. En tout cas, vous donnez en tout cas un ordre d'idée. À titre personnel, vous souhaitez avoir un site sur lequel vous mettez tout ce qui vous passe par la tête, un blog, etc. Vous voulez diffuser de la musique dessus. Ça coûte 2 € par mois, l'autorisation pour diffuser de la musique sur son site. Même si le site il est vu par des milliers, des milliers, des milliers d'internautes, ça coûte 2 € par mois et 20 € par an. C'est pas excessivement cher, je pense. Un site d'une institution, d'une association, etc., qui, pareil, va illustrer ce site avec de la musique, avec des vidéos, etc., le prix est de 10 € par mois. Donc, c'est pas un budget pharaonique, surtout si c'est une association, si c'est une association, une émanation d'une structure départementale ou régionale, c'est pas un coût absolument dissuasif. Quand on est dans le cadre d'illustration de site web, là pour le coup en rapport avec une activité commerciale, une activité lucrative, là c'est un peu plus cher, mais bon c'est en rapport avec le nombre de pages vues, de pages visitées, donc ça peut faire quelques centaines d'euros par an, mais encore une fois ça me semble relativement contenu. Après, je vous parlais du streaming, du téléchargement. Là, c'est un pourcentage sur les recettes qui sont générées, recettes publicitaires. Donc, on revient sur Deezer. Deezer, sur les X millions ou X centaines de milliers d'euros de recettes publicitaires qu'ils font chaque année, ils en payent quelques milliers d'euros à la SACEM, puisqu'ils ont un contrat. Quelques milliers d'euros que nous avons charge, nous, après, de répartir aux titres qui sont diffusés, ou en tout cas aux titres qui sont les plus diffusés. Parce que si on répartit au millionième d'euros près, on n'y arrivera pas, évidemment. Le titre le plus diffusé l'an dernier sur Deezer a généré 240 euros de droits à répartir entre 15 ou 21 droits. Donc voilà. Et les sites les sites de streaming comme ça qui sont autorisés, les droits sont répartis. Le téléchargement, que ce soit du téléchargement au titre, quand on achète un titre de musique sur le site de la FNAC, quand on achète un album, quand on achète un film, sur ce montant téléchargé, évidemment, il y a le site qui prend sa participation, il y a beaucoup d'intermédiaires, mais les auteurs touchent un pourcentage. Pour un morceau musical, par exemple, c'est 7 centimes sur les 99 centimes qui vont aux auteurs, compositeurs, éditeurs du morceau. Donc ils sont rémunérés à l'acte. Si on revient après sur les aspects liés à la licence globale, etc., c'est un gros point d'achoppement entre les partisans de systèmes un peu globaux, généraux, et nous qui sommes pour une rémunération de l'auteur à l'acte, on considère que chaque fois qu'on achète un film, chaque fois qu'on achète un morceau, on paye en fonction de ce qu'on a acheté, et non pas une espèce de globalité comme ça qui serait répartie selon on ne sait quel principe. Voilà, les grands principes. Retenez une chose, c'est que avoir un site internet sur lequel on passe de la musique, sur lequel on met des vidéos, et éventuellement avec lequel on propose du téléchargement ou du streaming, c'est tout à fait possible. Il suffit d'avoir une autorisation, et en plus on a la garantie que les droits qu'on verse sont répartis aux ayants droit. Voilà. Merci Olivier Vitu. Donc, je propose qu'on enchaîne pour après avoir un temps de questions et de discussions avec la salle, donc avec Antoine Moreau et Benjamin Jean, pour présenter les dispositifs des licences libres de droit. Donc, allez-y. Merci. Donc là, c'est bien, parce que la propriété intellectuelle, ou du moins le droit d'auteur, vous a été présenté de façon assez exhaustive, donc ce sera plus simple pour moi de vous parler des licences libres. Le principe de la propriété intellectuelle, et pour tous les droits de propriété intellectuelle, puisqu'il y en a de multiples, c'est l'auteur ou le titulaire de droit a un monopole sur l'objet de droit. Dans le cas du droit d'auteur, c'est l'œuvre. Dans le cadre des droits voisins, par exemple, les artistes-interprètes, c'est l'interprétation. Pour les producteurs, c'est le phonogramme qui est produit. Pour les inventeurs, c'est l'invention. À chaque fois, il y a un titulaire, un objet. Donc le principe, c'est le titulaire, son objet, un monopole. Et le principe des licences libres, c'est de dire, moi qui suis titulaire d'un droit exclusif, d'un monopole, je vais le partager. Donc comment ça fonctionne? C'est l'auteur ou le titulaire de droit qui, a priori, va mettre avec sa licence, va attacher aux médias, à sa création, à son œuvre, ou à tout autre objet de droit, une licence qui permet à tout détenteur, donc c'est la plupart des licences libres qui ont ce mécanisme-là, de bénéficier des droits et d'avoir les mêmes droits que l'auteur. Donc on n'a plus le mécanisme traditionnel, je suis auteur, je suis en haut, et toute autre personne en fait, n'a aucun droit et doit me demander systématiquement remonter vers l'auteur pour pouvoir exploiter l'œuvre ou pouvoir l'utiliser autrement que ce que je souhaite. C'est dès le début, l'auteur confère à tous les autres, tous les tiers, qui logiquement ne pourraient rien faire, des droits similaires, de façon à ce que tout le monde soit à peu près au même statut. Ce qui peut éventuellement inciter, et ça Antoine en reparlera, les utilisateurs ou ceux qui bénéficient de ces licences, donc de ces droits, bah, ça leur permet d'être à peu près au même statut que l'auteur, et donc de pouvoir eux-mêmes contribuer à l'œuvre qui a été diffusée, exploiter, et ajouter leur propre contribution, leur propre travail artistique au travail originaire. Donc vous voyez, c'est pas un auteur qui a tous les droits, les autres qui ne font qu'utiliser, c'est chacun qui va pouvoir apporter sa brique à une œuvre qui serait commune. Après on pourra approfondir, mais c'est l'apport que je voulais faire. Oui, enfin, c'est ça qui a motivé la création des licences libres. La première, comme je l'ai dit ce matin, en fait, ce matin, j'ai un peu anticipé, puisqu'il s'agissait de théorie, et je suis tout de suite passé à la pratique. Mais c'est difficile de pouvoir scinder les deux, surtout en matière de création, puisqu'en matière de création, on est à la fois dans la conception, le concept, dans la pensée et dans sa mise en pratique. Mais ce que vient de dire Benjamin est tout à fait éclairant pour comprendre la venue des licences libres. Donc la première, ça a été pour la création artistique inspirée des logiciels libres, ça a été la licence Art Libre en 2000. Ensuite sont venues les licences Creative Commons. La particularité de la licence Art Libre, c'est le copyleft. Donc comme je l'ai dit ce matin, c'est l'autorisation de diffusion, de copie, de transformation de l'œuvre, c'est-à-dire c'est l'auteur qui autorise ceci et qui interdit pour maintenir ses libertés, pour maintenir la copie, la diffusion, la transformation, l'auteur interdit à ce qu'on puisse avoir une jouissance exclusive sur l'œuvre qui a été ainsi ouverte à la copie, à la diffusion et à la transformation. Donc là, ce que j'ai dit ce matin, c'est vous voyez que la protection n'est pas niée, elle est inversé. Il y a une inversion de ce qu'on entend par protection. Là, ce qui est protégé, c'est le bien commun. Voilà. Et certainement que cette reconsidération de l'auteur, de la qualité de l'auteur, nous fait redécouvrir un pan de l'auteur qui a été oublié, notamment à partir de la Renaissance. C'est-à-dire, en fait, auteur, ça vient de deux. Enfin, il y a deux origines étymologiques. Il y a auctor, c'est-à-dire l'auteur fait autorité par sa création, mais il y a aussi augere. Et augere, ça veut dire augmenter. L'auteur, c'est celui qui va augmenter le bien de la création commune. Et sans doute qu'aujourd'hui, avec les licences libres, l'Internet et le numérique, après avoir été. D'une sorte d'assomption d'autorité du côté auctor, on redécouvre la capacité d'augmentation. Et je pense que par exemple un projet comme Wikipédia, qui est un projet sous licence libre, fait redécouvrir cette qualité d'augurer, d'augmentation de la part des auteurs. Donc la question qui est posée comment prévenir les atteintes aux droits d'auteur sur la toile, c'est comment prévenir les atteintes aux droits d'augmenter le bien commun. Et là, le copyleft est un outil extrêmement intéressant puisqu'il interdit l'appropriation exclusive de ce qui est créé ainsi et qui est diffusé sur le net. Ok, merci. La parole maintenant pour terminer cette partie sur les autorisations à Pascal Toublanc, responsable documentaire à l'INA de Lyon. Il vient nous expliquer comment utiliser des images d'archives, donc je lui passe la parole. Merci. Moi je vais vous quand même, même si je vais essayer d'être très rapide, présenter l'INA. Son côté un peu l'histoire de l'INA, très rapidement. L'INA a été créée en 1974, l'éclatement de l'ORTF, c'est-à-dire que toutes les archives des télévisions publiques ont été confiées à un institut qui est indépendant des diffuseurs. Ce qui est très important parce que aujourd'hui, ça nous permet d'avoir un nombre d'archives très, très important. On est à 3 millions d'heures. Contrairement à beaucoup d'autres pays où la gestion des archives a été confiée aux diffuseurs et le diffuseur son principal souci, c'est de diffuser et non pas de conserver. Et donc, je pense qu'en France, et avec l'INA, on peut être quand même assez... Je veux pas dire fier, parce qu'en 1974, ça a été fait un peu après, c'était un oubli. Donc, on avait créé les sociétés, les télévisions, les autres, la 1, la 2, la 3, la SFP, TDF, et après, on se retrouvait avec la recherche, la formation, les archives qui étaient sous l'ORTF, et on savait pas quoi en faire, donc on a créé l'INA, on a mis tout à l'intérieur. Ce qui, aujourd'hui, nous permet d'avoir des activités autres que celles des archives, parce qu'on a toujours des activités de formation, de production, de recherche, notamment avec un outil signature, donc j'espère avoir le temps de parler, qui est très intéressant, surtout pour les utilisateurs du net. Les archives à l'INA donc, viennent principalement et historiquement des télévisions publiques par dévolution. Donc c'était l'ORTF, tout le fonds ORTF, après ensuite le fonds TF1, parce qu'il était public jusqu'en 86, mais à l'époque, quand TF1 a été privatisé, on a rétrocédé à TF1 société privée 3 ans d'archives publiques. Donc nous avons les archives, les droits sur les archives de TF1 jusqu'en août 82. Et ensuite, et jusqu'à aujourd'hui, les archives de France Télévisions, de Radio France, et de Radio France, oui, avec certaines restrictions. On s'emploie depuis déjà pas mal d'années à restreindre le droit, c'est-à-dire que le droit de dévolution de l'INA. C'est-à-dire que depuis 81, l'INA n'a plus les droits sur les fictions, par exemple, produites par les chaînes de télévision. Depuis, je vais reprendre mes notes parce que je ne voudrais pas faire d'erreur. Ça, c'est du droit pur. Attendez, depuis 81, oui, on n'a plus les droits sur les fictions. Ensuite, on a des restrictions qui viennent. Depuis 2002, on n'a plus les droits sur certaines collections emblématiques, c'est-à-dire que les sociétés de France, uniquement France 2, France 3, France 4, France 5, aujourd'hui, se gardent les droits sur certaines collections importantes. Et depuis 2002, aujourd'hui, nous n'avons plus la propriété des archives. Nous avons juste un mandat de commercialisation des archives sous forme d'extrait un an après leur date de première diffusion. Ce qui est un peu compliqué. Donc, si je reviens au niveau des sources et des parallèlement à cette acquisition des archives par les sociétés de télévision et de radio publique, la France a mis en place le dépôt légal de l'audiovisuel en 95 avec obligation un peu d'une vocation similaire au dépôt légal de l'écrit, qui était mis en place sous François Ier, mais le dépôt légal de la cinémathèque du cinéma, c'était dans 1925, et donc de l'audiovisuel, télévision et radio publique, et web aujourd'hui, ça a été mis en place uniquement en 1995, avec une montée en charge progressive. La première année, c'était uniquement les 7 chaînes nationales de télévision et toutes les télévisions de Radio France, les radios, les stations de Radio France. Aujourd'hui, le dépôt légal concerne plus de 100 chaînes de télévision et radio françaises. Naturellement, ce n'est plus un dépôt, parce que pour des contraintes techniques et la numérisation permet aujourd'hui de capter 24 heures sur 24 plus de 100 chaînes et de 365 jours par an, donc ce qui augmente considérablement le flux d'archives arrivé entrant à l'INA. Ces deux pôles complètement séparés. Il y a le dépôt légal qui est l'équivalent de la BNF, donc accès uniquement chercheurs, étudiants. C'est intéressant, j'en parle aussi aujourd'hui, parce que il peut y avoir des producteurs, il y a des créateurs, des créatifs ici, et vous pouvez quand même accéder à ce fonds pour en période d'écriture, en période de recherche pour les documentaires, savoir ce qui a été fait, quelle manière ont été traités des thèmes. Donc vous pouvez très bien en tant que professionnel accéder à ce fonds pour un visionnage, une recherche, un visionnage. Il n'y aura bien sûr aucune copie possible, parce que les droits n'appartiennent pas à l'INA, c'est uniquement un but de consultation et de recherche. L'autre fonds, donc, ce sont les archives de l'INA, ce qu'on appelle les archives qui viennent de patrimoniales, qui viennent des télévisions et radios publiques, dont l'INA a les droits. Alors, pour tout ce qui est fonds ORTF, on va dire, en schématisant, l'INA détient tous les droits, à peu près, sans oublier le droit d'auteur, mais je reviendrai dessus après, en tant que droit producteur. Donc on peut vous céder, on peut vous vendre, vous céder selon les cas, toutes les archives de l'ORTF. À partir des années, à partir du fonds France TV, c'est un peu changé, parce que les chaînes sont devenues de plus en plus non seulement des producteurs, mais elles sont devenues de plus en plus uniquement des diffuseurs. Et elles achètent, elles coproduisent, et nous, l'INA, héritons de la part du coproducteur. C'est-à-dire que quand France 2 coproduit un programme avec, on va prendre Cocotte Minute, qui est une société lyonnaise, il y a une part de financement qui revient à France 2, une part de financement qui est à Cocotte Minute. Nous allons hériter que de la part de financement de la part de France 2. Donc, pour la cession, on est obligé de retourner aux conventions de coproduction et de céder la part qui nous revient et de négocier ensuite avec le partenaire. C'est pas toujours simple de savoir de retourner aux conventions, parce qu'on ne les a pas toujours. Et toutes les exploitations, surtout pour les archives anciennes, n'ont bien sûr pas été prévues dans les conventions de partenariat et de coproduction à l'époque. Tout ce qui est naturellement diffusion sur le net, tout ça, souvent n'a pas été prévu. Tout ce qui était prévu, c'était uniquement la diffusion, la télédiffusion. Donc ça donne lieu. Aujourd'hui, le gros point sur lequel l'INA a énormément travaillé ces 10 dernières années, c'est un accord avec, on peut dire, toutes les principales sociétés d'auteurs qui nous permet de céder beaucoup plus facilement nos archives. Sans avoir à demander les autorisations, comme c'était le cas au préalable, aux auteurs, parce qu'ils peuvent être nombreux et multiples au sein d'une même production. Vous avez le réalisateur, vous avez les adaptateurs, vous pouvez avoir l'auteur de l'œuvre préexistante, l'auteur de la musique, ils sont multiples et variés. Donc le fait d'avoir signé des accords avec toutes ces sociétés d'auteurs nous permet de céder beaucoup plus facilement nos archives, le reversement se faisant, de manière forfaitaire. Ce qui simplifie grandement notre travail. Et la dernière signature qui a eu lieu au mois de décembre 2008, c'était avec la DAGP, qui concerne toutes les photos, surtout photos, arts plastiques et œuvres plastiques. Parce que, on va prendre un exemple concret, si vous avez une émission de variété, vous pouvez très bien avoir tous les droits. Donc l'INA peut avoir tous les droits pour vous le céder sur la musique, sur les musiciens, sur le plateau. Et puis, en fond de décor, parce que là, c'est un exemple qui nous est arrivé, on a eu un contentieux, vous avez une photo. Et quand on a cédé, personne n'a fait attention à la photo qui était en le fond du décor. Bien sûr, le photographe, quand il a vu cet extrait, il a tout de suite réclamé sa part en tant qu'auteur, ce qui était tout à fait normal. Donc aujourd'hui, s'il a déposé ses œuvres à la DAGP, nous ne sommes plus obligés d'avoir son autorisation pour diffuser cet extrait. Il y aura un reversement automatique à cette société d'auteur. Donc ça, c'est un point qui est très important aujourd'hui. Pour vous, clients potentiels de l'INA, je veux dire, l'accès aux archives peut se faire par différentes sources, soit par le site INA Media Pro, qui est réservé aux professionnels, mais l'inscription est gratuite, ou par... Ça va être plus intéressant pour les personnes qui travaillent plus sur le net. Vous avez le site ina.fr qui est le site grand public et dont aujourd'hui nous avons une nouvelle version qui a été mise en ligne, je ne l'ai pas vue encore d'ailleurs, qui va permettre à tout à chacun, que ce soit pour son blog ou son site, de prendre des archives qui sont sur ce site grand public et de le mettre grâce à un player sur son propre site. Tout ça gratuitement et sans aucun problème de droit. Donc ça peut être intéressant pour des médiathèques, pour annoncer une exposition, comme pour des musiciens, pour peu importe l'usage, de faire vous-même une sélection d'archives, de les mettre dans un panier et de les avoir avec un player sur son propre site. Voilà un peu la grande nouveauté qui apparaît aujourd'hui et qui peut être très utile. Je ne sais pas si je n'ai pas dépassé le temps. Mais non, mais largement dans les temps. C'est bon. Donc, merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des réactions ou des témoignages ?